hadith urbain qu'on a pris du bab, fa inna Allah harrama 'ala an-nar man qala la ilaha illa Allah yabtaghi bizalika wajha Allah. Que Allah a interdit au feu celui qui aura dit la ilaha illa Allah en cherchant par cela le visage d'Allah azza wa jalla. Il dit quoi? Par quoi la personne sera préservée, là, ici, dans le hadith? Par une parole. Une parole basée sur une croyance. Dans cette croyance émaneront des actes. Fahada, la parole, ça réfute ce pourquoi prônent actuellement les koufars, les malheureusement des musulmans, de suivant cela, qui est ce qu'ils appellent Huriyat al-Ta'bir, qui est la liberté d'expression. Le fait qu'une personne soit en droit d'exprimer ses idées intellectuelles aux autres. D'accord? Eux, ils justifient tout leur mal par cela. Dès qu'ils disent quelque chose, liberté d'expression. Ils se moquent de leur religion, liberté d'expression. Ils s'en prennent à toi, liberté d'expression. C'est leur djunna, comme on dit, la protection, soi-disant. Et on a des musulmans qui se mettent à considérer cela. Ils disent, par exemple, les caricatures qu'ils ont faites, on ne peut pas les blâmer car cela fait partie de la liberté d'expression qui est reconnue dans l'islam. On dit kazab, tu as menti. La liberté d'expression en islam, quelle est-elle? Shal'an al-kalam mubah. Le fait de parler, c'est quoi la base? C'est mubah, c'est permis de parler. Fal-kalam tandarij tahta al-ahkam al-khamsa al-taklifiyya. Le kalam, ça rentre dans les cinq règles de taklif qu'on a pris dans le fiqh. Qui sont al-wujub, ça peut être obligatoire de parler, ça peut être mustahab, ça peut être mustahab de parler, d'exprimer, ça peut être mubah, juste permis, sans qu'il y ait de mal ou de bien forcément tiré, ça peut être makloukh, de s'exprimer, et ça peut être haram. Donc, tel que le conforme, en islam, ça n'existe pas. Donc, ce qu'on fait, c'est à aboudan lillah. Nos paroles sont bâties sur le char. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Ou vous qui avez cru craindre Allah, il dit une parole juste. D'accord? Et il dit subhanahu wa ta'ala, wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa qala innani minal muslimin. Qui est donc de meilleure parole que celui qui aura appelé à Allah ou a amila salihan nam wa qala innani minal muslimin. D'accord? Et qui aura œuvré dans le bien et qui aura dit c'est donc des musulmans, non des soumis. Donc la bonne parole, il a dit, man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah. Qui appelle à Allah. Donc la bonne parole pour Allah azza wa jall, c'est le fait de l'appeler. Wa la kalima tayyiba sadaqa. Le fait de bien parler une bonne parole, c'est une sadaqa. Parmi les paroles qu'on doit dire, qu'est-ce qu'on a مثلا, ma wa a'la shu'bat al-iman. Ma hiya? Le fait de dire qul la ilaha illa Allah. C'est plus haut niveau. Et cette shahada, on est obligé de la prononcer. On ne rentre pas en islam sans la shahada. D'accord? On est obligé de la prononcer. Qu'est-ce qu'on dit parmi ce qu'on est obligé de dire, مثلاً, le haq. On dit le haq min rabbikum. A man shafa al-yu'min wa man shafa al-yakfur. On doit dire la vérité. D'accord? On doit dire la vérité. Et, مما يجب علينا الكلام فيه, مثلاً, الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. Comme l'a dit Abu Saïd, قال النبي صلى الله عليه وسلم من راى منكم منكرا فليغير بيده celui qui voit de vous un mal qu'il le change par sa main فإن لم يستطيع فبي لسانه ne peut pas par sa langue فإن لم يستطيع فبي قلبي وذلك اضعف الايمان ne peut pas par son cœur c'est le niveau le plus bas de la foi. Donc avoir un inkar sur un mal de ta langue, si tu ne peux pas le faire par ta main, c'est obligatoire de le faire par ta langue. Donc tu n'es pas libre de dire ce que tu as envie de dire comme tu veux. Les choses même tu n'as pas envie de dire, il faut que tu les dises. Il faut que tu le dises. D'accord? Mustahab, les afkar qu'on fait, comme on dit, kalimatan, khafifatan al-lisan, abimatan al-rahman, sakinatan fil mizan, subhanallah wa bihamdi wa subhanallah al-azim. Donc, deux paroles qui plaisent, qui sont les plus aimées pour Allah, les plus lourdes sur la balance, et qui sont lourdes sur la balance, et qui sont légères sur la langue, le tasbih, salam. الدين النصيحه le conseil, tout cela. Quel est mubah? Le fait de parler, de dire des choses normales qui ne coûtent pas de haram, même pour les enfants c'est permis. C'est permis. Quel est makrouh? مثلا السؤال في غير المواضيع دي كيسيون كي سيرفا ريان والقيل وقال le fait de parler pour rien répéter les rumeurs les ragots comme ça et min al kalam al muharram on a plein al kadhib le mensonge al sab al shatm des insultes comme ça sans droit al la'na d'accord wa kadha et la langue ma raqala al nabi sallallahu alayhi wa sallam pour justement tirer fuite cette liberté d'expression ma raqala li mu'az ibn jabal après qu'il expliquait que l'islam c'est l'affaire et que le djihad est son sommet que c'est la salade c'est son amoud قال الا اخبرك باملك ذلك قال نعم يا رسول الله قال بلى يا رسول الله قال فكف عليك هذا فاخذ بلساني il a dit prends cela fais attention cela il a pris sa langue il a dit comme Mu'az ya nabi Allah ان لا مؤاخذون بما نتكلم به parce que nous serons repris c'est-à-dire jugés ou peut-être même châtié pour ce que nous prononçons. Il a dit quoi le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, quand le sacrote Ummuka ya Mu'az, « Hel yakubu nasu finnar ala wujouihim au manakhilihim illa hasaid asinatihim. » Tu vois? Qu'est-ce donc qui va faire tomber les gens dans le feu sur leur visage ou sur la naïd, si ce n'est ce qu'ont récolté leur langue? La langue. Tu vois quoi le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, « Man damana li man bina li hiayi wa rijlayi damantuhu la uljanna. » Celui qui me prie, qui me comment dirais-je, qui me garantit, c'est-à-dire de ne pas l'en bien, c'est entre ces deux mâchoires et ces deux jambes, c'est-à-dire partie génitale, qui les préserve, je vous garantis le Jannah. Donc la langue, c'est parmi ce qui fait le plus de mal. Parmi ce qui est haram, kadhalik, sukhriya, veut dire se moquer, qu'on a l'Allah azza wa jal, ya ayu allazina amanu, la yaskhar koumoun min koumin, asan yakunu khayrun minhum, wa la nisa, min nisaïna asan yakunna khayrun minhun, wa la talmizu, wa la tanabazu bil alqab. Oh vous qui avez cru qu'un peuple ne se moque pas d'un autre. Il se peut qu'ils soient meilleurs que eux. Là, on parle de muslimin. Hein. Qu'en fait, ils ne sont pas meilleurs que les muslimin, abadan. Il y a des femmes qui se peut qu'ils soient meilleurs que d'autres. Et ne vous talmizul, c'est-à-dire le fait de vous lancer des critiques comme ça, et de se lancer des sobriquets, des surnoms comme ça, moqueur. Encore la ta'ala, « Wa la tasubu allazina yaduna min dunillahi, fa yasubu Allah adouan bi ghayri ilm. » N'insultez pas ceux qui invoquent en dehors d'Allah, car il se mettrait à insulter Allah en toute animosité et par ignorance. Donc on n'attaque pas leur religion comme ça, de façon offensive, comme ça, sans raison, des fois c'est permis, de crainte que quoi? Que eux-mêmes ne se mettent à insulter l'islam. Je dis par exemple, toi ta religion, c'est kaza kaza. Je me dis, toi ta religion c'est kaza kaza. Ton Allah c'est kaza kaza kaza, ainsi de suite. Ça c'est pas permis. Donc, liberté d'expression, comme eux l'entendent, il n'y a pas en islam. Notre kalam, il est yandarij taht ahkam ad-din. On n'est pas libre de dire tout ce qu'on veut. Des choses qu'on doit dire obligatoirement. Des choses qu'on peut dire normalement. Des choses qu'ils sont interdits de dire. D'accord? Donc les gens qui arrêtent de dire et en plus tu verras que les gens qui prônent à cette idéologie de liberté d'expression, généralement sont des journalistes. Toujours des gens qui ont des afkal marginales. Qui veulent avoir un kalam, par exemple, qui ils peuvent justifier leur irtirad ad-din. La contestation de la religion. Je parle des muslimines, là. Ceux qui prennent cela parmi les muslimines, ou qui se disent muslimines, tu verras, c'est des journalistes, écrivains, philosophes, des gens qui ont des afkas qui savent qu'ils ne sont pas mouafakob iddin. Donc ils se disent, liberté d'expression, je dois te parler. Ce que tu dis là, c'est haram, tu n'as pas envie de le dire. Ton article que tu écris, il est haram. Ce que tu appelles là, c'est haram. Ton roman que tu écris là, c'est du kazib, c'est haram. Et ainsi de suite. Ta idéologie que tu as là, elle est haram. Tu n'as pas envie de la prononcer, d'y appeler. Tu n'as pas envie d'en parler. Tu vois, je veux dire, je suis libre. Non, non, t'es pas libre. On a déjà parlé. T'es musulman. T'es soumis à Allah Azza wa Jal. Donc tu verras, les gens qui accordent cela, ce sont des gens qui, à la base, ont eux-mêmes un fikr. L'istikama, c'est pas ça. Ils veulent, ils ont un côté un peu rebelle. D'accord? Je veux dire ce que j'ai envie de dire. On dit, tu sais pas ce que t'as envie de dire. Donc cette, comme yukab, il a arabia, huriyat al-ta'bir, liberté d'expression, comme eux la conçoivent, n'existe pas. Mais on est libre de dire des choses permises. Et moins on parle, mieux c'est. En plus, moins on parle, mieux c'est. On a dit, dire la vérité. On dit la vérité. D'accord ? Wa qul al-haqqu min rabbikum. Dites que la vérité vient de votre Seigneur. Est-ce que toute vérité est bonne à dire ? Est-ce que toute vérité est bonne à dire ? Anta taqul la. Ou anta ? Ma ta'arif. Ah ouais, on a pris dans le bab précédent, le hadith de Mu'az. que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam lui a dit « La tourbilu nas fayattakilo » On ne dit pas aux gens ce qu'ils vont se reposer. C'est une vérité ce qu'il lui a dit. Un ilm important. Tu as des gens, des fois, un haq que tu peux dire pour amener une mafsada. Si les gens le savent. Je vous mets le dissimuler. Si quelqu'un, t'as vu quelqu'un, tes yeux, tu l'as vu, mais il n'y a pas qu'un témoin. Mathalan, tu l'as vraiment vu faire, tu as vraiment vu la chose, mais tu n'as pas trois autres témoins avec toi. Tu n'as pas entendu le dire. Arsenta. Chez Akha, notre masala, dans laquelle le haq, c'est la vérité, il ne faut pas le dire. C'est haram de le dire. Et même dans ce que je dis comme masala là, ou laïka indallahu mulkaziboun, ceux qui viennent accuser de zina, qui n'ont pas de témoins avec eux, sont les menteurs. C'est-à-dire, tu dis la vérité et malgré ça, c'est toi le menteur auprès d'Allah Azzawajal, parce que tu n'as pas accepté les règles. Taïm. Autre chose où la vérité, tu dis une parole qui est véridique, mais elle est haram pour toi. Il n'est kabaïr. Ah ouais, tu t'œuvres d'art, tu divulgues le péché des gens qui le font en secret. Il y a quoi d'autre encore? Al-riba. Al-riba. Un taskoura ahag, mais yakra. Et tu dis c'est ton frère, tu détestes. Et il va dire, mais je dis la vérité. Ouais, mais c'est pour le dire, pourquoi? Parce qu'il ne veut pas que tu dises ça de lui. Tu vois? Kazalik et Namima, Makal Kalem, Al-Rodji Fassad. Quand tu vas transporter une parole vers quelqu'un d'autre, sans le façade, ce qu'il a dit, c'est vrai. Un tel te dit, j'aime pas Foulen. Tu vois là, Foulen, tu veux dire, un tel, il t'aime pas. Ce que tu as dit, c'est vrai ou c'est pas vrai? C'est vrai. Tu es en train d'aller lui dire? Là. Sauf dans des masahil, Mouayena. De tout particulier. Quand il y a une justice à faire ou une chose, on parle pas de ça, non pas de. Là-bas, ça c'est pas permis. D'accord? Même un namima, une kabelle, zenoum, tu as un fikobri, qui se babiha. Tu te fais chier dans ta tombe, pose un namima. Et les plus gros même, ce sont les journalistes, les médias. Les plus gros même, les plus gros menteurs sont eux, ceux qui appellent justement à cette liberté d'expression. D'accord? Donc pour te dire que même la vérité, quelqu'un dit c'est le haq ce que je dis, c'est pas tout haq qui est bon à dire. Même le haq en religion, de haq, on n'a pas le droit de dire. C'est pas dans l'absolu. Donc ta liberté d'expression, et tu jettes dans la poubelle. Et tu viens pas nous débattre avec nous avec ce sujet-là pour justifier le mal que tu prononces. Maya Jouz. Je disais qu'aujourd'hui, ça tourne beaucoup autour de ça.